La fabuleuse épopée de Danvad le Dodu, écrit par Hélène du Guezouvraz, lu par Armen pour audiocité.net. Pour Mayonne, le confinement n'a pas beaucoup de sens, du moins vu du Guezou. Elle a pris son vieux vélo ce matin, a enfilé son ciré, a rabattu sa capuche sur son nez et elle est partie au bourg sous le crachin pour aller voter. Elle a regardé de travers le flacon de gel hydroalcoolique à l'entrée, a froncé les sourcils devant les marquages au sol et ronchonné après avoir glissé son enveloppe dans l'urne devant le second flacon de gel. Puis, elle a repris son vélo et la route qui relie le bourg au Guezou, toujours en ronchonnant. Au Guezou, tout est calme. Si ce n'est la volée de moineaux, de mésanges et de petits enfants qui volent et courent dans le hameau en chantant et en riant. La perspective des vacances inattendues qui s'invitent dans cette fin d'hiver n'entame la bonne humeur de personne. Mayonne ôte son ciré et le remplace par sa blouse grise parsemée de fleurettes parmes. Elle jette un œil avisé sur le phare qui cuit dans le four et se saisit de son balai. La traque impitoyable de la poussière et des moutons peut commencer. Les petits enfants rentrent dans la maison en courant et en criant, bottes crottées et écharpes humides, faisant voler en tous sens les moutons gris dans la cuisine. Les imprécations de la vieille dame les freinent bien un peu. Mais pourquoi y a-t-il encore de la poussière alors que tu as déjà passé le balai hier ? S'étonne le plus jeune. Mayonne, vaincue, lâche son balai, s'assied dans son vieux fauteuil et commence ses explications. Il était une fois l'histoire authentique et véridique de Danvad le Dodu, un des moutons de poussière du clan des Hulards du Guezou. Dès le matin du monde des Hulards du Guezou, Danvad le Dodu suivait docilement le troupeau de ses compagnons au dos rond. Il faisait éternellement le même périple le long des plaintes, silencieuses et modestes comme doivent l'être les honnêtes poussières. C'était ni plus ni moins que le cheminement normal de ceux de son espèce, un destin paisible qu'ils acceptaient sans plainte et de bonne grâce. Et si parmi les poussières, être un mouton n'était pas rien, leur unique issue n'en était pas moins la poubelle de Mayonne, comme tout un chacun en ce sol si bas. Ils n'atteignaient généralement ce sinistre au-delà qu'après de longues errances, mais il pouvait arriver que l'échéance fût plus soudaine. Ils campaient volontiers au pied de meubles protecteurs. Chaises ou tables étaient même des haltes obligatoires et attrayantes. Partant de ménage, c'est-à-dire chaque jour que Dieu faisait, il convenait toutefois d'être prudent. Un jour, alors qu'il bivouaquait tranquille à l'ombre protectrice du très vieux fauteuil de Mayonne, Danvad le Dodu faillit bien être fauché par le grand balai. Heureusement, la tempête, quoique violente, fut brève, et cette fois-ci au moins il échappa à la pelle. Comme il ne ressentait aucun appel pour elle, Danvad le Dodu retint la leçon. Ne jamais se relâcher, ne jamais se laisser aller au faux sentiment de sécurité qu'inspirent les meubles. Pour l'heure, il jugea préférable d'hiverner au dos du lit clos de Mayonne où l'amenèrent des courants d'air propices. Il y coula des jours heureux parmi les siens, car l'existence y était douce et paisible. Il serait bien resté là éternellement si sa nature aventureuse, ainsi qu'un sombre pressentiment, ne l'avait poussé à quitter le giron du douillet refuge. Il fit bien, car tout le reste de la petite communauté succomba à un terrifiant nettoyage de printemps. Il fut choqué du sort cruel de ses congénères et s'interrogea longuement sur l'état de poussière. Il était mouton et, comme tel, aurait dû accepter son devenir, aussi impitoyable fut-il. Mais il ne pouvait s'y résoudre et il décida de rester toujours maître de son destin, quoi qu'il advienne. Il s'en fit sur les dalles de schiste le serment solennel. Danvad le Dodu reprit donc son périple esselé. Il traversa de lugubres déserts de parquets cirés où il n'y avait poussière qui plane. Il franchit un terrible couloir au carrelage aseptique et il faillit bien succomber à l'odeur nauséabonde d'un nettoyant liquide javelisé. Il prit 1000 risques, courut 1000 dangers, connut l'enfer de la solitude, le désespoir et le doute. Mais le temps passant, vaille que vaille, il subsista jusqu'à des jours plus cléments. De petits troupeaux se reconstituaient progressivement et il réussit même à en intégrer un qui s'épanouissait dans une large encoignure accueillante. Il restait toutefois vigilant, car il savait que le grand balai ne prévenait guère quand l'heure du sacrifice sonnait. Il ne voulait en aucun cas être sa victime expiatoire et ne désirait nullement connaître la pelle et la poubelle. S'il n'arrivait pas à partager l'innocente insouciance de ses jeunes compagnons, en retour, ceux-ci le considéraient avec méfiance, sentant intuitivement sa différence. Parmi eux, il était seul. Aussi méditait-il longuement et se remémorait les vieilles légendes de Grenier qui se racontaient à l'époque heureuse du lit clos. Elle parlait de pièces où le grand balai passait si peu que les troupeaux pouvaient s'épanouir sans risque dans de grands espaces libres. Ils prospéraient d'une cloison à l'autre, sans entrave, et leur peuple ondulait paisiblement au gré d'un courant d'air maternel, formant comme un océan mouvant de fraternelle poussière. Danvad le Dodu était convaincu qu'il ne s'agissait pas de légende et qu'un tel Éden existait quelque part. Il élaborait de folles théories et imaginait des univers parallèles qu'il nommait « maisons ». Il les pressentait multiples, divers et variés. Certains étaient idylliques, où les moutons étaient maîtres de l'espace intermobilier, où les cieux étaient constellés de myriades de particules volant dans des rayons de soleil, où la petite fine côtoyait en paix la duveteuse, où la poussière était heureuse. D'autres étaient des mondes démoniaques, où le courroux vengeur du grand balai était quotidien, où sévissaient les abominables dieux prédateurs d'une mythologie terrifiante, tel le tonitruant aspirateur, la perfide cireuse, ou bien encore l'immonde centrale vapeur. Cependant, le temps passait et le troupeau prospérait. Tous les jours, de nouveaux moutons venaient le grossir et ils racontaient que partout, ils avaient vu la même abondance. D'autres, régulièrement, reprenaient l'éternelle transhumance et Danvad le Dodu était tenté de les suivre. Il savait que le temps allait bientôt tourner au nettoyage. Et il se demandait s'il ne serait pas prudent d'aller quérir un lieu mieux abrité et plus sûr que cette encoignure trop dégagée. Il n'en fit pourtant rien. Si quelque chose devait arriver, il était prêt. Il attendrait son destin. Et ce fut le balayage, terrible et soudain. Le vent du ménage soufflait plus ravageur et plus vengeur que jamais. Le grand balai de Mayonne, sans ménagement, déplaçait à sa convenance les poussières impuissantes. Il allait et venait inlassablement, grossissant le tas des captives anéanties. Danvad le Dodieux savait que l'appel n'était jamais très loin en de telles circonstances, mais ne céda aucunement à la panique. Il n'allait pas se laisser mener à la poubelle comme une vulgaire petite fine. Il n'allait pas non plus fuir comme l'aérienne particule. Il en avait assez de subir craintivement les événements et il était déterminé à agir. Sereinement, il apprécia la chorégraphie subtile du ballet, allant au passage jusqu'à lui trouver une certaine grâce. Il étudia sa logique froide et sans état d'âme. On interpréta le mouvement perpétuel, on démonta le mécanisme infernal. Et quand le grand ballet arriva sur lui prêt à l'emporter, il ne broncha point. Au dernier instant, il envisagea bien de surfer sur le rouleau de vent qui précède le coup de balai afin d'échapper au piège redoutable, mais n'en fit rien. Au lieu de cela, avec la complicité désintéressée d'un remous d'air, il surmonta l'obstacle déferlant, s'éleva au-dessus de lui et au passage s'accrocha à un poil particulièrement hérissé du balai. Il se cramponna et, résistant à la force du vent qui menaçait de le désarçonner, parvint à s'agripper solidement à la base du manche. Aussi improbable, aussi stupéfiant que cela puisse paraître, le fait était là, irréfutable. Il chevauchait le grand balai. Les moutons étaient sidérés de son audace scandaleuse, effarés de sa prétention, tétanisés d'horreur et fortement réprobateurs. Une telle attitude immodeste et indigne d'un mouton était proprement inconcevable. Mais Danvad le Dodieux s'en moquait éperdument. Saoulé de vitesse, ivre de mouvement, il était gorgé de fierté et gonflé de bonheur. Il tutoyait les dieux. Mais quand arriva le moment où le tas de ses captives congénères fut présenté à la pelle, il fut instantanément dégrisé. Il assista impuissant au transport des moutons en extase vers l'au-dedans, vers les profondeurs insondables de la poubelle. Il n'y avait chez eux nulle révolte, nul regret. Bien au contraire, ils semblaient comme soulagés, bien heureux. À l'instant du grand saut, ils étaient poussière et ils le resteraient, en paix au fond du sac noir qui allait les mener jusqu'à l'incinérateur au terme d'un long et sombre périple aveugle. Cela, bien sûr, ils l'ignoraient. Mais quand bien même l'aurait-il su, il n'aurait pas bronché plus que cela. Et il n'est d'ailleurs pas irraisonnable de penser qu'ils auront fait de très honorables et très honnêtes cendres. Mais ceci est une autre histoire. Pour Danvad le Dodu, les choses n'en restèrent pas là. Le balai reprit sa course acharnée. Commença alors un voyage cauchemardesque et dantesque à travers des pièces entières. Et c'était toujours le même implacable scénario qui se terminait toujours par la même scène. Trois coups de balai, tous en pelle et direction le grand saut à ordures. Pas de rappel possible, fin du balai. Danvad le Dodu était épouvanté et il aurait volontiers décroché du manche pour aller se terrer sous quelques meubles, mais il craignait le coup du balai et pour tout dire, il était pétrifié de peur. Il n'était plus maintenant le fier conquérant qu'il fut auparavant. Il n'était qu'une poussière de misère, dépassée par des événements qui allaient trop vite. Il regrettait amèrement ses égarements et ravalait ses folles prétentions. Il s'attendait à tout, mais surtout, il attendait la fin. Pourtant, quand ils vinrent à passer devant une porte-fenêtre béante et dégorgeant des flots d'une lumière divine, il vit de toute évidence un signe, un appel auquel il ne devait pas résister. Il saisit le sens du message, ainsi que sa chance, et par un courant ascendant latéral, se dégagea du balai prestement et sans remords. Sa nature aventureuse, un moment refoulée, reprit le dessus, et quand la fraîche brise matinale l'aspira vers l'extérieur, c'est un mouton libre et heureux qui s'éleva vers les cieux infinis. L'aventure allait commencer. Mayonne a servi aux petits enfants songeurs, les yeux balayant les plaintes à la recherche de Donbad le Dodu, le phare tout chaud pour le goûter. Et elle a soupiré, levant les yeux au ciel. On dit aussi que les souris naissent de la poussière. Mais c'est une autre histoire.